roule libre et paisible entre ces fortes races, dont ton flot frémissant trempa l'âme et l'acier, et que leurs vieux courroux, dans le lit que tu traces, fondent au soleil du siècle, avec l'eau du glacier. Vivent les nobles fils de la grave Allemagne. Le sang-froid de leur front couvre un foyer ardent. Chevaliers, tombés rois des mains de Charlemagne, leurs chefs sont les Nestors des conseils d'Occident. Roule libre et fidèle entre tes nobles arches, ô fleuve féodal, calme, mais indompté. Verdis le sceptre, aimé de tes rois patriarches. Le joug que l'on choisit est encore liberté. Débordement armé des nations trop pleines, au souffle de l'aurore envolaient les premiers. Jetons les blonds essaims des familles humaines autour des nœuds du cèdre et du tronc des palmiers. Allons, comme Joseph, comme ses 11 frères, vers les limons du Nil que labourait Apis, trouvant de leurs sillons les moissons trop légères, s'en allèrent jadis aux terres étrangères et revinrent courbés d'épis. Roule libre et descend des Alpes étoilées l'arbre pyramidal pour nous tailler nos mâts et le chanvre et le lin de tes grasses vallées. Tes sapins sont les ponts qui joignent les climats. Allons-y, mais sans perdre un frère dans la marche, sans vendre à l'oppresseur un peuple gémissant, sans montrer au retour, aux yeux du patriarche, au lieu d'un fils qu'il aime, une robe de sang. Rapportons-en le blé, l'or, la laine et la soie, avec la liberté, fruit qui germe en tout lieu, et tissons de repos, d'alliance et de joie, l'étendard sympathique où le monde déploie l'unité, ce blason de Dieu. Roule libre, et grossis tes ondes printanières pour écumer d'ivresse autour de tes roseaux, et que les 7 couleurs qui teignent nos bannières, arc-en-ciel de la paix, serpentent dans tes eaux.